Donc merci Samuel Ferré, à toi. Merci, bonsoir. Je suis ici au titre du groupe PAC 2013, qui est une plateforme qui regroupe 25 organisations de protection de l'environnement, des groupes d'agriculteurs et de ruraux, et également des organisations de solidarité internationale, et qui, depuis 2008, ont travaillé ensemble sur la réforme de la politique agricole commune. Alors, moi, je voudrais faire un détour en ayant écouté ce qui a été dit. Il a beaucoup été question d'économie agricole, et je voudrais parler plutôt d'un secteur qui nous a concernés au niveau de la politique agricole commune, qui est l'économie de l'environnement ou l'intégration de l'environnement dans les politiques agricoles. Et je voudrais citer un seul exemple qui a été emblématique un petit peu de ces discussions communautaires, qui a été celui du verdissement de la politique agricole commune. Le 26 juin dernier, lorsqu'il y a eu un accord politique entre la Commission européenne et le Parlement européen, le commissaire Ciolos, commissaire à l'agriculture et au développement rural, a dit ceci, le verdissement de la politique agricole commune annonce un changement de paradigme. Rien que ça. Eh bien, moi, je pense, au contraire, qu'on n'est pas encore dans ce changement de paradigme pour une raison assez simple. Si on revient un petit peu en arrière sur la façon dont ces propositions ont été avancées par l'exécutif européen, eh bien, il y avait dès le départ un problème et une question fondamentale d'évaluation qui était posée, une question d'évaluation. Et je voudrais citer en mémoire les évaluations conduites, notamment à cette époque, il y a 3 ans, par la Commission européenne, sur ces mesures de verdissement de la politique agricole, à savoir la diversification des cultures, les prairies permanentes et un minimum de surface d'intérêt écologique sur les exploitations agricoles. Si on revient sur ces évaluations-là, elles concluaient qu'elles avaient un impact, enfin, les mesures de verdissement avaient un impact négatif sur le revenu des exploitants agricoles. Pourquoi ? Parce que mettre en place des surfaces d'intérêt écologique, c'est retirer des terres de la production, donc de là, beaucoup ont traduit un retour à la jachère, etc., etc. Et finalement, dans ce type d'évaluation, à aucun moment la question de l'évaluation des services écosystémiques à rendre et rendus par les types d'agriculture n'a été posée de manière sérieuse. Donc dès le départ, rien qu'à ce niveau-ci, c'est juste un exemple qui illustre le propos, il y avait des biais, et on n'est pas sorti de ces biais à l'heure actuelle. Alors effectivement, dans les réseaux ici présents, Réseau Impact, beaucoup témoignent à leur échelle de leur exploitation agricole, d'avoir intégré l'environnement comme un facteur de production et qui, à terme, est un facteur de compétitivité, effectivement. Mais à la base, ça n'a pas été posé comme cela, je dirais, dans la manière d'intégrer davantage l'environnement dans les politiques agricoles. Et de surcroît, elles incitent à en faire le minimum, puisque au-delà de certains seuils, il n'y a plus aucune incitation. Alors voilà, c'est juste une simple illustration pour dire en conclusion, au jour d'aujourd'hui, au niveau des instruments de la politique agricole commune, se mettent en place aussi des instruments sur la politique de développement rural, des instruments incitatifs. Je voudrais citer une nouveauté qui est le partenariat européen de l'innovation, qui incite les chercheurs, les agriculteurs à travailler davantage ensemble. Et finalement, les discussions actuelles, ou certaines d'entre elles au niveau communautaire, nous amènent à considérer qu'il serait bien et judicieux de mobiliser le partenariat européen de l'innovation pour mieux mesurer, mieux évaluer la productivité des surfaces d'intérêt écologique ou certains aspects du verdissement de la PAC. Donc, c'est juste une illustration pour montrer un petit peu les manques que l'on a actuellement à ce niveau-ci, et en particulier sur l'évaluation des services écosystémiques rendus par les systèmes de production, puisque si on veut produire autrement, ça a déjà été dit, il faut, dès le départ, correctement évaluer autrement.